Mouse music. Step five, wine. Heaven to earn, I am the real thing. Get down on your knees. Step six, an humble ass man to remove your underpants. Step seven, and be ready for me to do nothing. Come back, step eight. Kneel down, be ready to understand. Step nine, Here we go. I'm We'll be right back. Thank you. Dino, c'est parti. Alcool time. Thank you. Thank you. rigole. Tu es nul à la guitare. Des fois sur les amplis là. Ça par exemple. C'est un Thunder Mustang, mais avec les sons d'origine. Ils mettent vachement de reverb. Bon, ça marche plus. Ça, c'est 120. Je suis à 120 aussi. Attends. C'est censé être quoi, ce truc? Simulation de Vox. Ouais, en plus, je suis plus fort. Bah, attends, non, c'est pas possible. Normalement elle est bien, mais là c'est la sortie d'ampli. Tu mets, je crois que j'aurai un problème de connexion. Normalement au casque ça marche bien. Trop de réverb ce truc. Je mute.